Chapitre 7. Bénédicte se jette à bas de son cheval. « Mademoiselle, s'écrie-t-il, je tombe à vos genoux, n'ayez pas peur de moi. Vous voyez bien qu'à pied, je ne puis vous poursuivre. Daignez m'écouter un moment. Je ne suis qu'un sot. Je vous ai fait une mortelle injure en m'imaginant que vous ne vouliez pas me comprendre. Et comme en voulant vous préparer, je ne ferai qu'accumuler sottise sur sottise, je vais droit au but. N'avez-vous pas entendu parler dernièrement d'une personne qui vous est chère ?»« Ah, parlez !» s'écria Valentine avec un cri parti du cœur. « Je le savais bien, » dit Bénédicte avec joie. « Vous l'aimez, vous la plaignez, on ne nous a pas trompés. Vous désirez la revoir, vous seriez prête à lui tendre les bras, n'est-ce pas, mademoiselle, que tout ce qu'on dit de vous est vrai ?» Il ne vint pas à la pensée de Valentine de se méfier de la sincérité de Bénédicte. Il venait de toucher la corde la plus sensible de son âme. La prudence ne lui eût plus paru que de la lâcheté. C'est le propre des générosités enthousiastes. « Si vous savez où elle est, monsieur !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Béni soyez-vous, car vous allez me la prendre !» « Je ferai peut-être une chose coupable aux yeux de la société, car je vous détournerai de l'obéissance filiale. Et pourtant, je vais le faire sans remords. L'amitié que j'ai pour cette personne m'en fait un devoir, et l'admiration que j'ai pour vous me fait croire que vous ne me le reprocherez jamais. Ce matin, elle a fait 4 lieues, à pied, dans la rosée des prés, sur les cailloux des guérets, enveloppée d'une mante de paysanne, pour vous apercevoir à votre fenêtre ou dans votre jardin. Elle est revenue sans y avoir réussi. Voulez-vous la dédommager ce soir et la payer de toutes les peines de sa vie? Conduisez-moi vers elle, monsieur. Je vous le demande au nom de ce que vous avez de plus cher au monde. Eh bien, dit Bénédicte, fiez-vous à moi. Vous ne devez pas vous montrer à la ferme. Quoique mes parents en soient encore absents, les serviteurs vous verraient, ils parleraient, et demain votre mère, informée de cette visite, susciterait de nouvelles persécutions à votre sœur. Laissez-moi attacher votre cheval avec le mien sous ces arbres et suivez-moi. » Valentine sauta légèrement à terre sans attendre que Bénédicte lui offrit la main. Mais à peine y fut-elle que l'instinct du danger, naturel aux femmes les plus pures, se réveilla en elle. Elle eut peur. Bénédicte attacha les chevaux sous un massif d'érable touffu. En revenant vers elle, il s'écria d'un ton de franchise « Oh, qu'elle va être heureuse et qu'elle s'attend peu aux joies qui s'approchent d'elle !» Ces paroles rassurèrent Valentine. Elle suivit son guide dans un sentier tout humide de la rosée du soir, jusqu'à l'entrée d'une chenevière dont un fossé formait la clôture. Il fallait passer sur une planche toute tremblante. Bénédicte sauta dans le fossé et lui servit d'appui, tandis que Valentine le franchissait. « Ici, Perdreau, à bas, taisez-vous » dit-il à un gros chien qui s'avançait sur eux en grondant et qui, en reconnaissant son maître, fit autant de bruit par ses caresses qu'il en avait fait par sa méfiance. Bénédicte le renvoya d'un coup de pied et fit entrer sa compagne, émue, dans le jardin de la ferme, située sur le derrière des bâtiments, comme dans la plupart des habitations rustiques. Ce jardin était fort touffu. Les ronces, les rosiers, les arbres fruitiers y croissaient, pêle-mêle, et leurs pousses vigoureuses, que ne mutilait jamais le ciseau du jardinier, s'entrecroisaient sur les allées jusqu'à les rendre impraticables. Valentine accrochait sa longue jupe d'amazone à toutes les épines. L'obscurité profonde de toute cette libre végétation augmentait son embarras, et l'émotion violente qu'elle éprouvait dans un tel moment lui ôtait presque la force de marcher. « Si vous voulez me donner la main, lui dit son guide, nous irons plus vite. » Valentine avait perdu son gant dans cette agitation. Elle mit sa main nue dans celle de Bénédicte. Pour une jeune fille élevée comme elle, c'était une étrange situation. Le jeune homme marchait devant elle, l'attirait doucement après lui, écartant les branches avec son autre bras pour qu'elle ne vinsse pas fouetter le visage de sa belle compagne. « Mon Dieu, comme vous tremblez !» lui dit-il en lâchant sa main lorsqu'ils eurent atteint un endroit découvert. « Ah, monsieur, c'est de joie et d'impatience !» répondit Valentine. Il restait encore un obstacle à franchir. Bénédicte n'avait pas la clé du jardin. Il fallut pour en sortir sauter une haie vive. Il lui proposa de l'aider et il fallut bien accepter. Alors, le neveu du fermier prit dans ses bras la fiancée du comte de Lansac. Il porta des mains émues sur sa taille charmante. Il respira de près son haleine entrecoupée, et cela dura assez longtemps, car la haie était large, hérissée de joncs épineux. Les pierres du glacis croulaient, et Bénédicte n'avait pas bien toute sa présence d'esprit. Cependant, telle est la pudique timidité de cet âge. Son imagination alla beaucoup moins loin que la réalité, et la peur de manquer à sa conscience lui ôta le sentiment de son bonheur. Arrivée à la porte de la maison, Bénédicte poussa le loquet sans bruit, fit entrer Valentine dans la salle basse et s'approcha du foyer à tâtons. Il eut bientôt allumé un flambeau et, montrant à Mademoiselle de Rimbaud un escalier de bois assez semblable à une échelle, il lui dit « C'est là !» Il se jeta sur une chaise, s'installa en sentinelle et la pria de ne pas rester plus d'un quart d'heure avec Louise. Fatiguée de sa longue course de la matinée, Louise s'était endormie de bonne heure. La petite chambre qu'elle occupait était une des plus mauvaises de la ferme. Mais comme elle passait pour une pauvre parente que les Léry avaient longtemps assistée en Poitou, elle n'avait pas voulu qu'on détruisît l'erreur des domestiques du fermier en lui faisant une réception brillante. Elle s'était volontairement accommodée d'une sorte de petit grenier dont la lucarne donnait sur le plus ravissant aspect de prairies et d'îlots, coupée par les sinuosités de l'Indre et plantée des plus beaux arbres. On lui avait composé à la hâte un assez bon lit sur un méchant grabat, des bottes de pois séchées sur une claie, des grappes d'oignons dorés pendaient au plancher, des pelotons de fil bis dormaient au fond d'un dévidoir invalide. Louise, élevée dans l'opulence, trouvait du charme dans ces attributs de la vie champêtre. À la grande surprise de Madame Léry, elle avait voulu laisser à sa chambrette cet air de désordre et d'encombrement rustique qui lui rappelait les peintures flamandes de Van Ostade et de Gérard Dow. Mais les objets qu'elle aimait le mieux dans ce modeste réduit, c'était un vieux rideau de Perse, à ramages fanés, et deux antiques fauteuils de point dont les bois avaient été jadis dorés. Par le plus grand hasard du monde, ces meubles avaient été retirés du château environ 10 années auparavant, et Louise les reconnut pour les avoir vus dans son enfance. Elle versa des larmes et faillit les embrasser comme de vieux amis, en se rappelant combien de fois, dans ces heureux jours de calme et d'ignorance à jamais perdus, elle s'était blottie, petite fille, blonde et rieuse, dans les larges bras de ses vieux fauteuils. Ce soir-là, elle s'était endormie, en regardant machinalement les fleurs du rideau. Et cette vue avait retracé à sa mémoire tous les menus détails de sa vie passée. Après un long exil, cette vive sensation de ses anciennes douleurs, de ses anciennes joies, se réveillait avec force. Elle se croyait au lendemain des événements qu'elle avait expiés et pleurés, dans un triste pèlerinage de 15 années. Elle s'imaginait revoir, derrière ce rideau que le vent agitait à travers le déjeté de la fenêtre, toute la scène brillante et magique de ses jeunes années, la tourelle de son vieux manoir, les chênes séculaires du grand parc, la chèvre blanche qu'elle avait aimée, le champ où elle avait cueilli des bleuets. Quelquefois, l'image de sa grand-mère, égoïste et débonnaire créature, se dressait devant elle avec des larmes dans les yeux, comme au jour de son bannissement. Mais ce cœur, qui ne savait aimer qu'à demi, se refermait pour elle, et cette apparition consolante s'éloignait avec indifférence et légèreté. La seule image pure et toujours délicieuse de ce tableau fantastique, c'était celle de Valentine, de ce bel enfant de 4 ans, aux longs cheveux dorés, aux joues vermeilles, que Louise avait connu. Elle la voyait encore courir au travers des blés plus haut qu'elle, comme une perdrix dans un sillon, se jeter dans ses bras avec ce rire expansif et caressant de l'enfance qui fait venir des larmes dans les yeux de la personne aimée, passer ses mains rondelettes et blanches sur le cou de sa sœur et l'entretenir de ces 1000 riens naïfs dont se compose la vie d'un enfant, dans ce langage primitif, rationnel et piquant qui nous charme et nous surprend toujours. Depuis ce temps-là, Louise avait été mère, elle avait aimé l'enfance non plus comme un amusement, mais comme un sentiment. Cet amour d'autrefois pour sa petite sœur s'était réveillé plus intense et plus maternel avec celui qu'elle avait eu pour son fils. Elle se la représentait toujours telle qu'elle l'avait laissée. Et quand on lui disait qu'elle était maintenant une grande et belle personne, plus robuste et plus élancée qu'elle, Louise ne pouvait parvenir à le croire plus d'un instant. Bientôt, son imagination se reportait à la petite Valentine, et elle formait le souhait de la tenir sur ses genoux. Cette riante et fraîche apparition se mêlait à tous ses rêves depuis que tous ses jours étaient occupés à chercher le moyen de la voir. Au moment où Valentine monta légèrement l'échelle et souleva la trappe qui servait d'entrée à sa chambre, Louise croyait voir, au milieu des roseaux qui bordent l'Indre, Valentine, sa Valentine de 4 ans, courant après les longues demoiselles bleues qui rasent l'eau du bout de leurs ailes. Tout à coup, l'enfant tombait dans la rivière, Louise s'élançait pour la ressaisir, mais madame de Rimbaud, la fière comtesse, sa belle-mère, son inflexible ennemie, apparaissait et, repoussant ses efforts, laissait périr l'enfant. « Ma sœur !» cria Louise d'une voix étouffée en se débattant contre les chimères de son pénible sommeil. « Ma sœur !» répondit une voix inconnue et douce, comme celle des anges que nous entendons chanter dans nos songes. Louise, en se redressant sur son chevet, perdit le mouchoir de soie qui retenait ses longs cheveux bruns. Dans ce désordre, pâle, effrayée, éclairée par un rayon de la lune qui perçait furtivement entre les fentes du rideau, elle se pencha vers la voix qui l'appelait. Deux bras l'enlacent, une bouche fraîche et jeune couvre ses joues de saintes caresses. Louise, interdite, se sent inondée de larmes et de baisers. Valentine, près de défaillir, se laisse tomber, épuisée d'émotion, sur le lit de sa sœur. Quand Louise comprit que ce n'était plus un rêve, que Valentine était dans ses bras, qu'elle y était venue, que son cœur était rempli de tendresse et de joie comme le sien, elle ne put exprimer ce qu'elle sentait que par des étreintes et des sanglots. Enfin, quand elles purent se parler, « C'est donc toi, » s'écria Louise, « toi que j'ai si longtemps rêvé. » « C'est donc vous, » s'écria Valentine, « vous qui m'aimez encore. »« Pourquoi ce vous ? » dit Louise, « ne sommes-nous pas sœurs ? » ?»« Oh, c'est que vous êtes ma mère aussi, répondit Valentine. Allez, je n'ai rien oublié. Vous êtes encore présente à ma mémoire comme si c'était hier. Je vous aurais reconnue entre mille. Oh oui, c'est vous, c'est bien vous. Voilà vos grands cheveux bruns, dont je crois voir encore les bandeaux sur votre front. Voilà vos petites mains blanches et menues. Voilà votre teint pâle. C'est ainsi que je vous rêvais. Oh, Valentine, ma Valentine, écarte donc ce rideau que je te vois aussi. Ils m'avaient bien dit que tu étais belle, mais tu l'es 100 fois plus qu'ils n'ont pu l'exprimer. Tu es toujours blonde, toujours blanche. Voilà tes yeux bleus si doux, ton sourire si caressant. C'est moi qui t'ai élevée, Valentine, tu t'en souviens? C'est moi qui préservais ton teint du hâle et des gerçures. C'est moi qui prenais soin de tes cheveux et qui les roulais chaque jour en spirale dorée. C'est à moi que tu dois d'être restée si belle, Valentine, car ta mère ne s'occupait guère de toi. Moi seule, je veillais sur tous tes instants. Oh, je le sais, je le sais. Je me rappelle encore les chansons avec lesquelles vous m'endormiez. Je me souviens qu'à mon réveil, je trouvais toujours votre visage penché vers le mien. Oh, comme je vous ai pleuré, Louise, comme j'ai été longtemps sans savoir me passer de vous, comme je repoussais les soins des autres femmes. Ma mère ne m'a jamais pardonné l'espèce de haine que je lui témoignais alors, parce que ma nourrice m'avait dit « Ta pauvre sœur s'en va, c'est ta mère qui la chasse. » Oh, Louise, Louise, vous m'êtes enfin rendue. Et nous ne nous séparerons plus, n'est-ce pas ? S'écria Louise. « Nous trouverons le moyen de nous voir souvent, de nous écrire. Tu ne te laisseras pas effrayer par les menaces. Nous ne redeviendrons jamais étrangères l'une à l'autre. »« Est-ce que nous l'avons jamais été ? » répondit-elle. « Est-ce que cela est au pouvoir de quelqu'un ? Tu me connais bien mal, Louise, si tu crois que l'on pourra te bannir de mon cœur quand on ne l'a pas pu même dès les jours de ma faible enfance. » Mais sois tranquille, nos maux sont finis. Dans un mois je serai mariée, j'épouse un homme doux, sensible, raisonnable, à qui j'ai parlé de toi souvent, qui approuve ma tendresse et qui me permettra de vivre auprès de toi. Alors, Louise, tu n'auras plus de chagrin, n'est-ce pas? Tu oublieras tes malheurs en les répandant dans mon sein. Tu élèveras mes enfants si j'ai le bonheur d'être mère. Nous croirons revivre en eux. Je sécherai toutes tes larmes. Je consacrerai ma vie à réparer toutes les souffrances de la tienne. Sublime enfant, cœur d'ange, dit Louise en pleurant de joie. Ce jour les efface toutes. Va, je ne me plaindrai pas du sort qui m'a donné un tel instant de joie ineffable. N'as-tu pas adouci déjà pour moi les années d'exil ? « Tiens, vois, » dit-elle en prenant sous son chevet un petit paquet soigneusement enveloppé d'un carré de velours. « Reconnais-tu ces 4 lettres ? C'est toi qui me les as écrites à diverses époques de notre séparation. J'étais en Italie quand j'ai reçu celle-ci. Tu n'avais pas 10 ans. »« Oh, je m'en souviens bien, » dit Valentine. « J'ai les vôtres aussi. » Je les ai tant relus, tant baignés de mes larmes. Celle-là, tenez, je vous l'ai écrite du couvent. Comme j'ai tremblé, comme j'ai tressailli de peur et de joie quand une femme que je ne connaissais pas me remit la vôtre au parloir. Elle me la glissa avec un signe d'intelligence, en me donnant des friandises qu'elle feignait d'apporter de la part de ma grand-mère. Et quand, 2 ans après, étant aux environs de Paris, j'aperçus contre la grille du jardin une femme qui avait l'air de demander l'aumône, quoique je ne l'eusse vue qu'une seule fois, qu'un seul instant, je la reconnus tout de suite. Je lui dis « Vous avez une lettre pour moi ?»« Oui, » me dit-elle, « et je viendrai chercher la réponse demain. » Alors je courus m'enfermer dans ma chambre, mais on m'appela. On me surveilla tout le reste de la journée. Le soir, ma gouvernante resta auprès de mon lit, à travailler jusqu'à près de minuit. il fallut que je feignisse de dormir tout ce temps. Et quand elle me laissa pour passer dans sa chambre, elle emporta la lumière. Avec combien de peine et de précautions je parvins à me procurer une allumette, un flambeau et tout ce qu'il fallait pour écrire, sans faire de bruit, sans éveiller ma surveillante. J'y réussis cependant, mais je laissai tomber quelques gouttes d'encre sur mon drap. Et le lendemain, je fus questionné, menacé, grondé. Avec quelle impudence je sus mentir! Comme je subis de bon cœur la pénitence qui me fut infligée. La vieille femme revint et demanda à me vendre un petit chevreau. Je lui remis la lettre et j'élevai la chèvre. Quoiqu'elle ne vînt pas directement de vous, je l'aimais à cause de vous. Oh, Louise, je vous dois peut-être de n'avoir pas un mauvais cœur. On a tâché de dessécher le mien de bonne heure, on a tout fait pour éteindre le germe de ma sensibilité. Mais votre image chérie, vos tendres caresses, votre bonté pour moi, avaient laissé dans ma mémoire des traces ineffaçables. Vos lettres vinrent réveiller en moi le sentiment de reconnaissance que vous y aviez laissé. Ces quatre lettres marquèrent quatre époques bien senties dans ma vie. Chacune d'elles m'inspira plus fortement la volonté d'être bonne, la haine de l'intolérance, le mépris des préjugés. Et j'ose dire que chacune d'elles marqua un progrès dans mon existence morale. Louise, ma sœur, c'est vous qui réellement m'avez élevée jusqu'à ce jour. Tu es un ange de candeur et de vertu, s'écria Louise. C'est moi qui devrais être à tes genoux. Hé, vite ! Cria la voix de Bénédicte au bas de l'escalier. Séparez-vous ! Mademoiselle de Rimbaud, monsieur de Lansac vous cherche ! Chapitre 8. Valentine s'élança hors de la chambre. L'arrivée de monsieur de Lansac était pour elle un incident agréable. Elle voulait lui faire prendre part à son bonheur. Mais, à son grand déplaisir, Bénédicte lui apprit qu'il l'avait déroutée en lui répondant qu'il n'avait pas entendu parler de mademoiselle de Rimbaud depuis la fête. Bénédicte s'excusa en disant qu'il ne savait pas quelles étaient les dispositions de monsieur de Lansac à l'égard de Louise. Mais au fond du cœur, il avait éprouvé je ne sais quelle joie maligne à envoyer ce pauvre fiancé courir les champs au milieu de la nuit, tandis que lui, Bénédicte, tenait la fiancée sous sa garde. « Ce mensonge est peut-être maladroit, lui dit-il, mais je l'ai fait dans de bonnes intentions, et il n'est plus temps de le rétracter. Permettez-moi, mademoiselle, de vous engager à retourner au château tout de suite. Je vous accompagnerai jusqu'à la porte du parc. Et vous direz qu'après vous avoir égaré, le hasard vous a fait retrouver votre chemin toute seule. » Sans doute, répondit Valentine troublée. C'est ce qu'il y a de moins inconvenant à faire, après avoir trompé et renvoyé monsieur de Lansac. Mais si nous le rencontrons? « Je dirais, reprit vivement Bénédicte, que, prenant part à sa peine, je suis montée à cheval pour l'aider à vous retrouver, et que la fortune m'a mieux servi que lui. » Valentine était bien un peu tourmentée de toutes les conséquences de cette aventure. Mais, après tout, il n'était guère en son pouvoir de s'en occuper. Louise avait jeté une pelisse sur ses épaules, et elle était descendue avec elle dans la salle. Là, saisissant le flambeau que Bénédicte avait à la main, elle l'approcha du visage de sa sœur pour la bien voir, et l'ayant contemplée avec ravissement, « Mon Dieu ! » s'écria-t-elle avec enthousiasme en s'adressant à Bénédicte, « Voyez donc comme est belle ma Valentine !» Valentine rougit, et Bénédicte plus qu'elle encore. Louise était trop livrée à sa joie pour deviner leur embarras. Elle la couvrit de caresses, et quand Bénédicte voulut l'arracher de ses bras, elle accabla ce dernier de reproches. Mais, Passant subitement à un sentiment plus juste, elle se jeta avec effusion au cou de son jeune ami, en lui disant que tout son sang ne paierait pas le bonheur qu'il venait de lui donner. « Pour votre récompense, ajouta-t-elle, je vais la prier de faire comme moi. Veux-tu, Valentine, donner aussi un baiser de sœur à ce pauvre Bénédicte, qui, se trouvant seul avec toi, s'est souvenu de Louise ?»« Mais, dit Valentine en rougissant, ce sera donc pour la seconde fois aujourd'hui. » « Et pour la dernière de ma vie, » dit Bénédicte en ployant un genou devant la jeune comtesse. « Que celui-ci efface toute la souffrance que j'ai partagée en obtenant le premier malgré vous. » La belle Valentine reprit sa sérénité. Mais, avec une noble pudeur sur le front, elle leva les yeux au ciel. « Dieu m'est témoin, » dit-elle. Que du fond de mon âme, je vous donne cette marque de la plus pure estime. » Et, se penchant vers le jeune homme, elle déposa légèrement sur son front un baiser qu'il n'osa pas même lui rendre sur la main. Il se releva, pénétré d'un indicible sentiment de respect et d'orgueil. Il n'avait pas connu de recueillement si suave, d'émotion si douce, depuis le jour où, jeune villageois, crédule et pieux, il avait fait sa première communion dans un beau jour de printemps au parfum de l'encens et des fleurs effeuillées. Ils retournèrent par le chemin d'où ils étaient venus, et cette fois Bénédicte se sentit entièrement calme auprès de Valentine. Ce baiser avait formé entre eux un lien sacré de fraternité. Ils s'établirent dans une confiance réciproque, et lorsqu'ils se quittèrent à l'entrée du parc, Bénédicte promit d'aller bientôt porter à Rimbaud des nouvelles de Louise. « J'ose à peine vous en prier, » répondit Valentine, « et pourtant je le désire bien vivement. Mais ma mère est si sévère dans ses préjugés. « Je saurai braver toutes les humiliations pour vous servir, » répondit Bénédicte, « et je me flatte de savoir m'exposer sans compromettre personne. » Il la salua profondément et disparut. Valentine rentra par l'allée la plus sombre du parc, mais elle aperçut bientôt à travers le feuillage, sous ses longues galeries de verdure, la lueur et le mouvement des flambeaux. Elle trouva toute la maison en émoi, et sa mère, qui pressait les mains du cocher, brutalisait le valet de chambre, se faisait humble avec les uns, se laissait aller à la fureur avec les autres, pleurait comme une mère, puis commandait en reine, et, pour la première fois de sa vie peut-être, semblait par intervalles appeler la pitié d'autrui à son secours. Mais, dès qu'elle reconnut le pas du cheval qui lui ramenait Valentine, au lieu de se livrer à la joie, elle céda à sa colère, longtemps comprimée par l'inquiétude. Sa fille ne trouva dans ses yeux que le ressentiment d'avoir souffert. « D'où venez-vous ? » lui cria-t-elle d'une voix forte, en la tirant de sa selle avec une violence qui faillit la faire tomber. « Vous jouez-vous de mes tourments ? Pensez-vous que le moment soit bien choisi pour rêver à la lune et vous oublier dans les chemins ? À l'heure qu'il est, et lorsque pour me prêter à vos caprices je suis brisée de fatigue, croyez-vous qu'il soit convenable de vous faire attendre ? Est-ce ainsi que vous respectez votre mère si vous ne la chérissez pas ?» Elle la conduisit ainsi jusqu'au salon, en la câblant des reproches les plus aigres et des accusations les plus dures. Valentine bégaya quelques mots pour sa défense et fut dispensée de la présence d'esprit qu'elle aurait été forcée d'apporter à des explications qu'heureusement on ne lui demanda pas. Elle trouva au salon sa grand-mère qui prenait du thé et qui, lui tendant les bras, s'écria « Ah, te voilà, ma petite! Mais sais-tu que tu as donné bien de l'inquiétude à ta mère? Pour moi, je savais bien qu'il ne pouvait être rien arrivé de fâcheux dans ce pays-ci, où tout le monde révère le nom que tu portes. Allons, embrasse-moi, et que tout soit oublié. Puisque te voilà retrouvée, je vais manger de meilleur appétit. cette course en calèche m'a donné une fin d'enfer. » En parlant ainsi, la vieille marquise, qui avait encore de fort bonnes dents, mordit dans un toast à l'anglaise que sa demoiselle de compagnie lui préparait. Le soin minutieux qu'elle y apportait prouvait l'importance que sa maîtresse attachait à l'assaisonnement de ce mets. Quant à la comtesse, chez qui l'orgueil et la violence étaient au moins les vices d'une âme impressionnable, cédant à la force de ses sensations, elle se laissa tomber à demi évanouie sur un fauteuil. Valentine se jeta à ses genoux, aida à la délacer, couvrit ses mains de larmes et de baisers, et regretta sincèrement le bonheur qu'elle avait goûté en voyant combien il avait fait souffrir sa mère. La marquise quitta son souper, dissimulant mal la contrariété qu'elle éprouvait, et vint, alerte et vive qu'elle était, tourner autour de sa belle-fille en assurant que ce ne serait rien. Lorsque la comtesse ouvrit les yeux, elle repoussa rudement Valentine, lui dit qu'elle avait trop à se plaindre d'elle pour agréer ses soins. Et comme la pauvre enfant exprimait sa douleur et demandait son pardon à main jointe, il lui fut impérieusement ordonné d'aller se coucher sans avoir obtenu le baiser maternel. La marquise, qui se piquait d'être l'ange consolateur de la famille, s'appuya sur le bras de sa petite fille pour remonter à sa chambre et lui dit en la quittant, après l'avoir embrassée au front, « Allons, ma chère petite, console-toi. Ta mère a un peu d'humeur ce soir, mais ce n'est rien. Ne va pas t'amuser à prendre du chagrin. Tu serais coupe rosée demain, et cela ne ferait pas les affaires de notre bon Lansac. » Valentine s'efforça de sourire, et, quand elle se trouva seule, elle se jeta sur son lit, accablée de chagrin, de bonheur, de lassitude, de crainte, d'espoir, de mille sentiments divers qui se pressaient dans son cœur. Au bout d'une heure, elle entendit retentir dans le corridor le bruit des bottes éperonnées de M. de Lansac. La marquise, qui ne se couchait jamais avant minuit, l'appela dans sa chambre entr'ouverte. Et Valentine, entendant leurs voix mêlées, alla sur-le-champ les rejoindre. « Ah ! » dit la marquise avec cette joie maligne de la vieillesse qui ne respecte aucune des délicatesses de la pudeur, parce qu'elle n'en a plus le sentiment. « J'étais bien sûre que la friponne, au lieu de dormir, attendait le retour de son fiancé, le cœur agité, l'oreille au guet. Allons, allons, mes enfants, je crois qu'il est temps de vous marier. » Rien n'allait si mal que cette idée à l'attachement calme et digne que Valentine éprouvait pour M. de Lansac. Elle rougit de mécontentement, mais la physionomie respectueuse et douce de son fiancé la rassura. « Je n'ai pas pu dormir en effet, dit-elle, avant de vous avoir demandé pardon de toute l'inquiétude que je vous ai causée. On aime des personnes qui nous sont chères, répondit M. de Lansac avec une grâce parfaite, jusqu'au tourment qu'elles nous causent. Valentine se retira, confuse et agitée. Elle sentit qu'elle avait de grands torts involontaires envers M. de Lansac, et sa conscience s'impatientait d'avoir encore quelques heures à attendre pour lui en faire l'aveu. Si elle avait eu moins de délicatesse et plus de connaissance du monde, elle se fût bien gardée de faire cette confession. M. de Lansac avait, dans l'aventure de la soirée, joué le rôle le plus déplaisant. Et, quelle que fût la candeur de Valentine, il eût peut-être semblé difficile à cet homme du monde de pardonner bien sincèrement à sa fiancée l'espèce de pacte fait avec un autre pour le tromper. Mais Valentine rougissait de rester complice d'un mensonge envers celui qui allait être son époux. Le lendemain, dès le matin, elle courut le rejoindre au salon. « Évariste, lui dit-elle en allant droit au but, J'ai sur le cœur un secret qui me pèse. Il faut que je vous le dise. Si je suis coupable, vous me blâmerez. Mais au moins, vous ne me reprocherez pas d'avoir manqué de loyauté. Eh, mon Dieu, ma chère Valentine, vous me faites frémir. Où voulez-vous arriver avec ce préambule solennel? Songez dans quelle position nous nous trouvons. Non, non, je ne veux rien entendre. C'est aujourd'hui que je vous quitte, pour aller à mon poste attendre tristement la fin de l'éternel moi qui s'oppose à mon bonheur. Et je ne veux pas attrister ce jour déjà si triste par une confidence qui semble vous être pénible. Quoi que vous ayez à me dire, quoi que vous ayez fait de criminel, je vous absous. Allez, Valentine, votre âme est trop belle, votre vie est trop pure, pour que j'aie l'insolence de vouloir vous confesser. Cette confidence ne vous attristera pas, répondit Valentine en retrouvant toute sa confiance dans la raison de monsieur de Lansac. Au contraire, lorsque même vous m'accuseriez d'avoir agi avec précipitation, vous vous réjouiriez encore avec moi, j'en suis sûre, d'un événement qui me comble de joie. J'ai retrouvé ma sœur. Taisez-vous, dit vivement monsieur de Lansac, en affectant une terreur comique. Ne prononcez pas ce nom ici. Votre mère a des doutes qui déjà la mettent au désespoir. Que serait-ce, grand Dieu, si elle savait où vous en êtes? Croyez-moi, ma chère Valentine, gardez ce secret bien avant dans votre cœur, et n'en parlez pas même à moi. Vous m'ôteriez par là tous les moyens de conviction que mon air d'innocence doit me donner auprès de votre mère. Et puis, ajouta-t-il en souriant, d'un air qui ôtait à ses paroles toute la rigidité de leur sens. Je ne suis pas encore assez votre maître, c'est-à-dire votre protecteur, pour me croire bien fondé à autoriser un acte de rébellion ouverte contre la volonté maternelle. Attendez un mois. Cela vous semblera bien moins long qu'à moi. Valentine, qui tenait à dégager sa conscience de la circonstance la plus délicate de son secret, voulut en vain insister. Monsieur de Lansac ne voulut rien entendre et finit par lui persuader qu'elle ne devait rien lui dire. Le fait est que monsieur de Lansac était bien né, qu'il occupait de belles fonctions diplomatiques, qu'il était plein d'esprit, de séduction et de ruse, mais qu'il avait des dettes à payer, et que pour rien au monde il n'eût voulu perdre la main et la fortune de mademoiselle de Rimbaud. Dans la crainte continuelle de s'aliéner la mère ou la fille, il transigeait secrètement avec l'une et avec l'autre. Il flattait leurs sentiments, leurs opinions, et, peu intéressé dans l'affaire de Louise, il était décidé à n'y intervenir que lorsqu'il deviendrait maître de la terminer à son gré. Valentine prit sa prudence pour une autorisation tacite, et, se rassurant de ce côté, elle dirigea toutes ses pensées vers l'orage qui allait éclater du côté de sa mère. La veille au soir, le laquais, adroit et bas, qui avait déjà insinué quelques soupçons sur l'apparition de Louise dans le pays, était entré chez la comtesse, sous le prétexte d'apporter une limonade, et il avait eu avec elle l'entretien suivant.